Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Nos Essentiels, votre émission culturelle donc chaque semaine sur Radio Nos Cultures. Et attention, voilà, vous l'avez compris, cette semaine on va parler Japon. Ce week-end j'étais avec Gwendoline, que vous avez déjà entendu ici sur Radio Nos Cultures, et on est arrivé à parler de ce merveilleux pays qu'est le pays du soleil levant, à parler de différentes choses qui font que cette musique est quand même assez reconnaissable entre mille, même quand c'est pas forcément d'être des choses traditionnelles. J'ai vu aussi cette semaine que Florent Garcia a sorti une vidéo spécialement sur la musique japonaise, et Wood vous expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'ils font, les spécificités et la complexité de toute cette musique, et du coup j'ai voulu aussi vous faire découvrir mes propres chansons, celles que j'aime, celles qui viennent du Japon, que j'ai connues, je vous en parle beaucoup grâce au générique d'animé, mais pas que. Alors c'est parti pour Non Essentiel. Non Essentiel, la valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Je vous disais que j'avais connu beaucoup de chansons et de groupes japonais en regardant des génériques d'animés japonais, donc, et je vais commencer par peut-être mon préféré. Je suis pas sûr, c'est vrai qu'il faudrait que je refasse la liste de tout ce que j'ai regardé, mais on va parler de Asian Kung Fu Generation, qui est un groupe de plutôt orienté rock des années 90, puisqu'ils ont démarré en 96 et que vous connaissez peut-être puisqu'ils ont composé un des génériques de Naruto et un des génériques de Full Metal Alchemist, et là c'est vraiment entre beaucoup d'autres. Je suis sur Wikipédia pendant que je vous parle, et il y a au moins une dizaine de génériques de chansons différentes composées pour des animés et des films japonais, ce qui n'est pas rare au Japon, puisque c'est quand même un pays qui est resté très très rock, surtout à l'exportation, et qui même si il inclut des touches d'électro ou de hip-hop, etc., est quand même resté beaucoup sur le basique, guitare, basse, batterie, et qui a une énorme force de frappe grâce au générique de manga, puisque c'est quand même là-bas une institution, les mangas, autant que n'importe quel grande série américaine peut l'être en Occident. Et je voulais vous faire écouter donc la première chanson que j'ai connue de ce groupe, qui s'appelle Rewrite, donc réécrire en anglais. C'est pas une chanson qui est en anglais, c'est seulement le titre, même si ce groupe-là a aussi fait des chansons en anglais, et vous verrez que c'est pas rare non plus au Japon de décrire des titres en anglais pour finalement chanter toute la chanson en japonais. En tout cas, je vous laisse avec ça, c'est Rewrite par Asian Kung Fu Generation. Nah. Asian Kung Fu Generation, donc on va passer maintenant à du métal. Je vous le disais, c'était que le Japon est un pays de rock, évidemment de métal aussi. Je vais vous parler de peut-être une des dernières découvertes que j'ai fait, même si ça remonte quand même à quelques années. Il s'agit de Cross Faith, pardon pour l'accent anglais, qui est un groupe donc de métal avec une petite touche d'électro à l'intérieur, ce qui était une assez grosse originalité quand le groupe s'est créé en 2006, qui a été connu par la suite par grâce à leur reprise de Prodigy, de Omen Prodigy, qui est je crois toujours leur vidéo la plus vue sur YouTube. Voilà, c'est une espèce de mix entre du metalcore, qui lui-même est un mix de metal et de hardcore, de punk hardcore, et donc d'un peu d'électro, surtout l'espèce d'électro, qu'on appelle ça, dubstep des années 2010, début des années 2010, même s'ils ont pris par la suite une direction qui personnellement me plaît moins, en rajoutant des chants un peu plus mélodique, puisque jusque-là il braillait non-stop, et c'était un groupe quand même extrêmement brutal, que j'ai eu la chance d'ailleurs de voir au Hellfest en 2014, je crois. J'avais connu donc ce groupe quelques mois avant seulement, et c'était une sacrée boucherie. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de voir Crossface dans le coin, n'hésitez surtout pas à y aller, même si personnellement j'ai un peu lâché l'affaire. On va écouter une chanson qui est présentée comme un live, mais je suppute que ce n'est pas vraiment un live. C'est Countdown to Hell avec une énorme fin bien bagarre. Voilà, on s'écoute ça, c'est Crossface avec Countdown to Hell. Crossfaith avec Countdown to Hell. Vous voyez, un bon breakdown, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour cette fin de chanson. Et c'est, même s'ils ont pris une tournure un peu plus mélodique, que personnellement je n'apprécie guère, c'est quand même un groupe qui envoie de la sacrée barbarie en live. Voilà, donc si vous aimez vraiment le gros métal de débile, c'est vraiment un groupe à aller voir. Et d'ailleurs, en parlant de gros métal de débile, on va continuer sur cette lancée avec Maximum The Hormone, qui est peut-être un des groupes les plus connus du Japon, ou en tout cas le groupe japonais le plus connu à l'international, qui est une espèce de mix entre brutalité et débilité. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. En tout cas, ils ne vont pas hésiter à mixer du gros punk hardcore, du metal, etc., et d'introduire de la pop, du ska ou du hip-hop, j'en sais rien, pendant ces mêmes chansons, le tout en étant très très bien fait. Voilà, c'est un groupe qui est né en 98 autour du chanteur et de la batteuse, ce qui fait quand même plaisir à voir. Ensuite rejoint par donc le bassiste, qui a un style, vous verrez, très très soliste, très slap, très très très funky aussi, et donc le guitariste, qui est le frère de la batteur, qui est bien brutal aussi, et qui a aussi une bonne partie du chant du groupe, qui partage donc avec le chanteur principal. Voilà, je vais vous faire écouter une des chansons que je connais le plus, que je fais écouter à peu près à chaque soirée aux gens qui connaissent pas, mais je suis incapable de vous dire le nom de cette chanson, puisque sur leur vidéo sur YouTube, tout est en japonais, je serais incapable de vous le lire. Il me semble que c'est la 3 ou 4ème vidéo, si vous tapez Maximum The Hormone sur YouTube. Voilà, ça débute dans un espèce de concert, c'est très punk hardcore, une espèce de hangar un peu bizarre, et ça finit complètement de façon merveilleuse. Mais je vous laisse écouter et peut-être aussi aller regarder cette vidéo sur YouTube. Vous connaissez aussi d'ailleurs ce groupe certainement pour les deux génériques, enfin deux des génériques de Death Note, What's Up People, qui est le premier générique, je crois, et qui est certainement leur chanson la plus connue aussi, qui est utilisée aussi par le joueur du grenier à l'époque, pour ses petites transitions japonaises. Voilà, je vous laisse avec Maximum The Hormone. Le nom de la chanson, je ne peux pas vous la dire, vous ferez vos recherches si vraiment vous avez envie, et puis comme ça vous pourrez découvrir d'autres chansons du groupe, parce que c'est vraiment très très bien foutu. Voilà, Maximum The Hormone. Go! Maximum Zimmermann donc, avec une chanson dont je ne peux malheureusement pas vous dire le nom. Allez faire vos recherches, c'est très facile à trouver sur YouTube. Je crois que c'est la troisième ou quatrième chanson qui apparaîtra, mettra Maximum Zimmermann sur la barre de recherche. On va rester dans le domaine du métal, mais cette fois un peu plus calme, puisqu'on va parler d'un groupe de 87, s'appelle Ningen Issu. C'est du heavy metal japonais. Avec des tendances un peu rock psyché, stoner, heavy metal et quelques petites touches un peu traditionnelles déjà par leur style, puisque les deux le chanteur guitariste et le bassiste sont toujours habillés dans ces grands kimonos japonais donc ils font rock heavy metal années 80-90. Ça ressemble un peu à du comment je pourrais citer, à du Iron Maiden, du vieux Iron Maiden ou du Stuttgart pour ceux qui vont reconnaître. Donc c'est un groupe créé en 87. Le line-up a quand même pas mal changé depuis, et donc moi je vais vous proposer une chanson qui s'appelle Earthless Cat, c'est extrêmement difficile à dire, qui encore une fois a un nom anglais mais qui est complètement en japonais, si j'ai bien écouté les paroles en tout cas. C'est un beau morceau qui dure 8 minutes, avec pas mal de changements de rythmique, de changements de parties, etc. Et j'étais moi personnellement assez étonné par leur son, qui est extrêmement moderne, extrêmement puissant, surtout à la gratte. Je vous laisse avec ça, Ningen Issu, et je ne vais pas redire le nom, c'est un peu trop difficile pour moi, je vous avoue. Et voilà, je vous laisse avec ça, je vous dis à tout à l'heure. 寂しくしくじりばかりのこの私に満ち足りる日は来るだろうか、夢の叶う日あるだろうか、仏様 Ningen Issu avec Heartless Scat. Voilà un bon morceau de métal à l'ancienne comme on les aime. Et on arrive bientôt à la fin de l'émission, il nous reste deux chansons. Et avant de finir, je vais vous parler du monstre qu'est X Japan, certainement le groupe le plus culte du Japon à l'international, enfin le groupe de métal, en tout cas de rock ou métal le plus culte à l'international, qui s'est formé donc en 87, si je ne dis pas de bêtises, en 82, pardon, donc au Japon, entre le chanteur, le guitariste, et voilà, il y a eu pas mal aussi de changements de line-up, jusqu'à trouver leur line-up culte, on va dire, en 87, et le groupe donc s'est dissolu ensuite en 97 pour se reformer 10 ans plus tard, le tout sur fond de suicide, de sexe, etc. C'est peut-être aussi ce qui fait que le groupe est aussi aussi, comment dire, mystérieux, aussi attractif. Voilà, c'est un groupe donc de power, de speed metal en tout cas au début, qui s'est petit à petit calmé pour arriver sur des power ballades, des choses un peu plus symphoniques, et qui ont été aussi précurseurs du mouvement visual kei. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de mouvement plutôt stylistique des artistes musiciens japonais qui est complètement dans la démesure, avec des coupes de cheveux complètement éclatées, de toutes les couleurs, des vêtements extrêmement extravagants, qui souvent tapent du côté des vêtements j'allais dire monarchiques, oui c'est à peu près ça, de français européens des années 1700, etc., des vêtements aristocratiques, voilà, en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement extravagant qui s'est beaucoup répandu ensuite au Japon et qui aujourd'hui me semble c'est un petit peu plus calmé. En tout cas, je vais vous laisser avec X Japan, la chanson Kurenai qui a été faite en live, et donc ça c'est la suggestion de la semaine par Gwendoline. Voilà, X Japan. Thank you. Yeah. X Japan donc avec Kurenai en live, vous l'avez entendu, on sent un peu que le chanteur galère un peu, il me semble que c'est après les retrouvailles donc de 2007. Après voilà, j'avoue que je ne connais pas du tout bien ce groupe, peut-être que c'est comme ça qu'il chante habituellement et peut-être que c'est ça aussi qui plaît aux fans. En tout cas, je vous laisse faire vos propres recherches sur X Japan qui est un groupe absolument mythique du rock japonais. Et voilà, on arrive à la dernière chanson. Je sais que je vous ai fait quand même bouffer beaucoup de métal et de rock aujourd'hui. Alors on va finir sur une note un peu plus calme avec la chanson Ue o Muite Aruko, donc du chanteur Kiyo Sakamoto, sorti en 61. 61 au Japon et à l'international en 63, et qui a été rebaptisé Sukiyaki, qui est le nom d'un plat, et voilà, ce qui n'a absolument rien à voir avec la chanson. Voilà, c'est un producteur qui a décidé de changer ce nom pour que ce soit plus facile à prononcer à l'international. Peut-être que vous avez déjà entendu cette chanson, puisque ça a été un énorme succès en 63, qui a été classé premier dans énormément de pays, Australie, Canada, au Japon évidemment, Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux États-Unis, mais qui a aussi été seconde par exemple en Allemagne. Qui est une des chansons qui a eu le plus de succès de tous les temps. Donc on va se quitter avec ça dans le calme. Sukiyaki par Kiyo Sakamoto. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine. Oh,